sont les gars qui connaissent, les gars que je casse des dits, ok. Anos, malfaiteur, GTA, Anos, 9-1, tragique, 7-7, Gire, Scélérat, SPYK, MDB, Scélérat, MDB, LAMS, 91, OCP, frère, OCP, Ouais, la vérité sort de la bouche des mecs ont trop bu ma vie, un putain de rébus. Faut que je parte comme Red Bar. Je fais du chiffre avec mes bullshit. Je m'en fous de porter du Gucci. Je suis bien dans mon blue jean. Je rappe sale comme mon cash à la rage, mais avec la rage. T'es Morgan de moi, je suis Morgan de Clara. 80 Oscar, Ascar, là mange le carrelage. Sky dans la carafe et le calage dans le garage. Du respect, je demande pas plus. Je fuck ton rap quoi, plume, teste-moi si t'aimes les grosses bites poilues. Chien les murs épaux comme un paraplégique. Ambiance Sky, mec, si tu sais, parapégique. Je te mets un coup de Mac 3 si tu veux me bébar. Pas d'histoire, on est des stars et anti-stars. Je suis fondé à la vodka, j'en ai rien à foutre de vodka. Que les juges, j'ai pas besoin d'avocat. Sous pic, Balthazar, t'as pas le mental, gros, t'es massage. Viens fumer le beat, toi qui sais, ramène tes massages. Et t'as fait la grise mine à nos, on veut casser leur gueule. Les élus prennent mal les choses, car casser leur gueule. Tu prêtes aux mines, j'ai la rage comme Super Saiyan. Les carottes sont cuites, mes potes dans le panier à salade. Ça devient le goût, je ricane la liberté qu'on leur doit. Si tu joues le ouf, je regarde de travers, j'y calme-toi. Et t'as fait la sourde oreille, Escar, ramène les cotons-tiges. Tragique, dis-moi pourquoi mes potes ont toujours eu autant de tiges. Je n'attends rien de ces tamtons, Zeyo, c'est tous des jeunes à pompe. Pour eux, on était plus mal fait, inclus dans des jeunes à pompe. Des infos, elles nous carottaient, la vérité corps antenne. Je compte plus les putains de bobards placés en quarantaine. C'était belle et que t'en veux plus, ouais, je passe moi 1-0. Si j'ai toujours la vérité, et même parfois j'exagère ouais, aussi. Vas-y, bolos, viens pas me parler. Si t'as bu et que tu me saoules, veux pas connaître ta vie. Rien dans ton souffle, je vois que tu souffres. T'invente pas des potes ou une meuf. T'en as pas, ah, on t'a grillé dans le défilé. À la guépard, regarde ta sape bouffon, t'es sapé. Comme un Hugo, petit con, regarde ta gueule, tes jumeaux à ma coule gauche, tu sais pas écrire, tu veux rien chez toi, t'es cloîtré, je passe ta vie à taper des queues sur tes poitrines. Quand je crache au mal, j'ai pas l'éjaculation précoce. Toi tu portes la jupe avec le string. Comme en Écosse, gaspille pas ton souffle. Toi tu rappes pour les sourds, ton texte il est muet, ton rap. Y'a que l'instru qu'on écoute, vas-y arrête. La vérité sort pas ta bouche, petit bolos, pointe à l'intérim. Car le rap c'est pas ton boulot mal fait. On se demande souvent, c'est quoi qui m'inspire, demande à Serki. Annonce le gouffre ou encore ma vie. La vérité sort de la bouche, ces enfants un peu trop fausses. Moi je vais sortir du coup avant de devenir un vieux pochetron. J'ouvre les portes avec un 16 ou ma Navigo. J'suis un toxico, écoute 2-3 malades qui font. La vérité sort de ma bouche, il te met la puce à l'oreille. Dans la rue ça promet mes aliens, fume la drogue, fais bordel. Quand on arrive ça te fait l'effet d'une pompe. Et le son te pète le crâne comme les fesses d'une blondeuse. Quand j'ai kiff du pont, j'ai la dalle, il faut que j'écarte ta chatte. Parce que j'suis un chien et quand j'vais chez toi j'mets par ta salle. C'est la vérité alors j'fais de la zig pas comique. Demande à qui sert, on est fiers d'un pute alcoolique. Évite les comicos, esquive les gros mythos. J'ai la vie d'un toxico, car dans le film c'est trop psycho. La vérité c'est ce qui est, n'a rien d'exceptionnel. Mais c'est ce truc qui t'engraine et qui vient de baiser le sommet. Moi je nage dans la tise et je vais pas quitter le navire. Nageant dans un endroit où y'a peu de gens qui tiennent à la vie. J'ai jeté l'ancre, car ici les jeunes talons corrosifs. Moi j'aime la langue, ton récit, même sans talent j'ai le cœur MC. Pas de rétine humide, on t'illumine et te lamine. On te termine et on t'enterre la mise de spi, on te la mise. Hey, hey. Ici la fonce est un délire qu'aucun whisky. Dans le rap je m'investis, c'est un vestige comme coca whisky. J'arrive à fond, t'es l'imbolie, donc on m'appelle Choumi. Je suis malin en entretien, j'arrive avec une belle chemise. De l'affaire à l'envers, c'est mon que truc gros. Mais ça on me l'a fait, j'ai eu le seul contre une go. Alors j'évite de parler à n'importe qui. Moi j'ai trop consommé la vie de spi, faut qu'on m'apporte un kill. Ça j'suis pas là pour te kill, mais pour que tu m'écoutes. Tu compatis, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin que tu m'aides cool. J'suis seul tout face à ma feuille et j'ai le moral en pièce. J'ai un bédo et une taille et j'écris ce qui me passe par la tête. Ici l'escalade siècle, mais pour un bif on s'entretue. J'vois que les rages traînent en bande, donc moi je les laisse entre plus. 2006, le son tourne et les gens kiffent. Mon 16 bar, tu l'encaisses comme une patate dans les gencives. Le rap, c'est tout ce que j'aime et j'ferai tout pour qu'on m'entende. Cousin, arrête de critiquer, j'm'en bats les couilles de ce que t'en penses. Indépendant, taffe le truc en attendant la sentence. Trop saoulé comme la scred, on n'est jamais dans la sentence. Tu vois le délire, gros, pour s'en sortir, on a que le rap. Si le bonheur repasse ici, cette fois-ci faut pas que je le rate, j'me sens mal. Alors j'écris pour me soulager, c'est vrai que je me laisse aller. Mais croyez pas que je vais tout lâcher. Balance le son, je suis venu pour péter les enceintes. Dédicace à la famille, KMZ et les anciens. À mes marques, mon épicard, ok, j'ai plus en forme, je tape. Ma firme alors l'affaire, négro, j'ai pas la formule. La femme nulle, stop, juste envie de ken. Pas que le week-end, j'ai format, j'suis formé, formé de haine. Comme tous, on veut la fortune des ailes, c'est normal. On pousse à bout et accumule les gars. Trop de lacunes, rage, calcul. Mais j'aime l'air, gars, il faut qu'on gère. Dans cette de mer, la vie en lacune. Plus que faire la sage flingue la mort. J'viens dingue, attends François, pareil pourquoi. Trop de choix, difficile à prendre, dis-moi. Comment se faire plaisir sans produire de malaise. Détruire pour être à l'aise, faut s'endurcir sur 76.